n'existe pas. C'est sur les pavés que le destin s'écoute. Rêve tout, accompagne ton pas. Délivre-toi, pleure de l'exil. Fais-toi léger, mais compte ta mémoire. Dans tes bagages, n'emmène rien d'inutile. La route est longue et suffira. Les gouttes, accuse ton être, mais ne te résigne pas. L'esprit est fort, plus que le corps sans doute. D'aucune ivresse, tu ne l'égareras. Les bouts de chance, attente irrationnelle, jamais ne doivent répondre à ces pourquoi. Jeter en dépit quand le froid se fait gel. N'oublie jamais de ne croire qu'en toi. Reviens me voir si tu sens poindre le doute. Reviens me voir, tu sais, je serai là. Reviens me voir sans gêne, sans déroute. Reviens cent fois, je crois en toi. Talent vaut bien ça. Juste mémoire quand celle-ci te rappelle à tous ces gens pour qui tu es foi. Mais reviens me voir si tu sens point de voir. Reviens me voir, tu sais, je serai là. Reviens me voir sans gêne, sans humour. Reviens cent fois, je crois en toi. Parfois vain, la gloire ne sourit pas toujours aux plus offrants. Je ne m'en inquiète, tout ça, tu le sais bien. Rien n'a de prix qu'en essayant. Mais reviens me voir si